On n'avait aucune idée de ce qu'allait être le couplet. Je crois que sur l'enregistrement original, il y avait certaines voix du groupe Chic. En entrant dans le studio, ils nous ont juste donné le refrain. Donc, on a chanté tout le refrain en une seule prise. En fait, les paroles de la chanson ont été écrites une fois qu'on avait fini d'enregistrer le refrain. Donc, ils nous ont fait une surprise en nous indiquant que la chanson qu'ils avaient écrite était à propos de nous et cela correspondait vraiment à notre histoire familiale. We Are Family est devenu l'hymne d'un club de baseball en Pennsylvanie et a été reprise maintes fois. Normal, les Sisters Sledge ont vendu 20 millions d'unités de leur hit international. L'Occitanie, c'est une famille, c'est une belle famille, c'est une grande famille. Sister Sledge, we are family. À l'instant dans Radio Disco avec Nora Bedrouni. Tout au long de votre été, France Bleu devient donc Radio Disco. Demain, une autre histoire de plagiat. Mais oui, celle de Michael Jackson, qui paraît-il a abusé d'un titre de Manu Dibango, Saul Makossa, sur Wanna Be Starting Something. C'était le morceau qui ouvrait l'album Mythic Thriller, sorti en 82. Vous prolongez le bonheur, le plaisir de Radio Disco sur francebleu.fr. Et tout de suite, comme on dit chez nous, guilty pleasure, plaisir légèrement coupable. Nous sommes en 1995 et on va écouter tout de suite l'histoire d'une jeune fille dont le fiancé vient de partir dans l'armée. Et cette jeune fille, laissée seule, elle s'embête un peu, elle va se dévergonder dans les bras de deux autres garçons, comme par hasard les meilleurs amis du soldat en question. Ah, vous le saviez pas ça. Ça, c'est ce que racontent les paroles de ce titre. Vous pouvez faire la Corée aussi. C'est la Macarena et c'est Los del Rio. Tout de suite, c'est sur France Bleu Occitanie, bien sûr. Wow. 1, 2, 3, 4. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena, la version originale Los del Rio. Tiens, une bonne idée de sortie, c'est au cœur du Grand Marché Mine de Toulouse, c'est Minoun Guinguette qui a débuté sa saison le 2 mai dernier. Vous allez pouvoir prendre place dans une ambiance pensée pour la détente absolue. Le cadre est champêtre. À table, on se régale avec les meilleurs produits de toute la région, viande, salade, mais aussi tapas. Ces nouveautés cette année, un espace couvert pouvant accueillir une cinquantaine de personnes. On a bien craqué sur cette guinguette. Minou, Mine de Toulouse, 146 avenue des États-Unis, dans la Ville Rose. Votre journal à suivre. Chaque soir de l'été, la meilleure musique en français dans le texte. France Bleu Blanc Hit. Mais trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. France Bleu Blanc Hit. Allez, allez, allez. France Bleu Blanc Hit, tous les soirs, tout l'été, sur France Bleu, 20h-22h. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Occitanie. Merci d'être avec nous. Il est pile 18h sur France Bleu Occitanie. Nous avons eu 34 degrés sur Toulouse aujourd'hui. Prévoyez une trentaine de degrés demain. Donc 3-4 degrés effectivement demain. Pas plus de 30 sur le midi toulousain, le Muretin ou encore le Gaillacois. Sur la route à l'heure actuelle, pas de soucis particuliers. Aucun ralentissement, aucun bouchon, pas de difficultés, notamment sur le périph de la Ville Rose. Appelez-nous si vous êtes témoin d'un incident alors que vous êtes au volant. 05 34 43 31 31. 18h, Marion Chantreau, le journal, et 11 personnes mortes dans l'incendie d'un gîte de vacances dans le Haut-Rhin. Les victimes sont des adultes handicapés, manteau léger et un accompagnateur originaire de Nancy. Ils séjournaient dans ce gîte où le feu a pris vers 6h30 du matin à Witzenheim, près de Colmar. Les causes du départ de l'incendie ne sont pas encore connues, mais selon le parquet, c'est un feu qui a couvé au regard de l'embrasement du bâtiment, en partie construit en colombage, du bois qui a mis quelques heures avant de s'enflammer. La mairie a ouvert une cellule psychologique, la préfecture a mis en place un numéro pour renseigner les familles. Le premier adjoint de la commune, Daniel Leroy, est sous le choc. C'est quelque chose qu'on voudrait ne jamais connaître et ne jamais voir. Oui. C'est, voilà, quand on a un lieu qui est d'habitude dédié au plaisir, au bonheur, et qui se transforme en enfer, c'est affreux. Oui. Alors c'est un bâtiment qui servait de gîte privé, oui, qui était un ancien bâtiment remis complètement aux normes, retapé totalement, et qui était très bien perçu, très bien conçu, avec lequel on n'avait jamais de problème. Oui. Et pas de problème de sécurité, une commission était passée sans doute. Oui, tout à fait, il y a toujours eu toutes les commissions nécessaires, il n'y avait pas de problème de sécurité détecté, donc on ne sait absolument pas de où peut provenir l'incendie. Il y a une brigade qui est là pour faire l'enquête et il faut lui laisser le temps de travailler. Et la première ministre Elisabeth Borne est sur place cet après-midi. Deux corps n'ont pas encore été retrouvés dans les décombres. Le sinistre est le plus meurtrier enregistré en France depuis l'incendie d'un bar à Rouen en 2016. À Blagnac, les pompiers sont intervenus cet après-midi pour éteindre un feu dans un garage privé près de la base des 15 sols. À l'aide de deux lances à incendie, ils ont pu éviter que les flammes ne se propagent à la végétation. Deux personnes ont été légèrement brûlées aux mains et aux avant-bras en tentant d'éteindre le départ de feu. Le sauvetage d'un cheval tombé dans le ruisseau La Save en fin de matinée à Grenade, au nord de Toulouse. Les pompiers ont mis plus de 3 heures pour extraire la bête qui appartient à un centre équestre. Elle était coincée dans peu de profondeur, mais les rives sont très abruptes. Le cheval a fini par être remonté grâce à un tractopelle. Un vétérinaire l'a prise en charge. Vous écoutez France Bleu Occitanie, 18h03. Une nouvelle preuve, Marion, de l'existence de la vie sur Mars dans un lointain passé. Oui, des chercheurs toulousains de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier ont découvert l'existence d'un climat sur Mars alternant saisons chaudes et humides. Un environnement semblable à celui de la Terre et donc propice à l'apparition d'organismes vivants, et ce, il y a plusieurs milliards d'années. Une découverte faite à l'aide du robot Curiosity, présent à la surface de la planète. Et leur étude est publiée dans la très réputée revue scientifique Nature. Contacté par France Bleu Occitanie, William Rapin, l'un des chercheurs toulousains, auteur de cette étude, nous en dit plus. Ça part d'une découverte qu'on a faite avec Curiosity, qui est un rover qu'on a depuis 11 ans sur Mars. Là, on est vraiment dans un immense cratère. Le centre du cratère forme une montagne. On a trouvé quelque chose d'un peu spécial, qui nous a beaucoup surpris. C'est craquelements fossiles dans la roche sédimentaire. Ils sont de forme hexagonale, parce que ces craquelements étaient répétés saisonnièrement, avec des saisons sèches et humides. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que la vie a réussi à apparaître sur Mars. Mais par contre, on a la preuve géologique de cette saisonnalité, de ce cyclage, qui nous permet de penser que la matière organique devait s'auto-organiser pour former des êtres vivants. Et si vous voulez en savoir plus sur cette découverte, rendez-vous sur francebleu.fr. Vous verrez des photos des fossiles sur Mars, témoins de ce climat. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6, envisagé pour fin 2023, est repoussé à 2024. Plusieurs essais au sol restent à effectuer, prévient l'Agence spatiale européenne, maître d'œuvre des lanceurs européens. Le programme est destiné à succéder à Ariane 5, dont le dernier vol a eu lieu au mois de juillet. Le 15 de France en préparation à Cap-Breton dans les Landes à moins d'un mois désormais du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus ont ouvert cet après-midi leur entraînement au public. 2700 supporters sont venus les admirer. Thibaut Flamand, le Toulousain en deuxième ligne de l'équipe de France, s'est prêté au jeu de la séance de dédicace. Il sent que l'engouement populaire monte en puissance. Ouais, complètement. On sent que l'événement arrive. On a du monde aux entraînements, plus que d'habitude. Plus voilà, il fait beau, il fait chaud, les gens sont en vacances, ils ont du temps, donc ils ont du temps pour nous. Et c'est vrai qu'on sent l'excitation monter de leur côté et puis du nôtre aussi. On sent le public qui est derrière nous, que ce soit là où on dort, ils sont là. Quand on arrive à l'entraînement, ils sont déjà là, ils attendent devant le bus, ils sont chauds, donc ça fait plaisir. Thibaut Flamand, donc personnage central de notre podcast, diffusé cette semaine sur France Bleu Occitanie, une vie de rugby, tous les matins à 7h moins le quart et 9h moins le quart. Un podcast que vous retrouvez aussi en intégralité d'ores et déjà sur le site de France Bleu Occitanie et l'appli Radio France. Le 15 de France qui va réintégrer ses joueurs majeurs, dont le capitaine et demi de mêlée toulousain Antoine Dupont, le pilier Cyril Baye ou encore l'arrière Thomas Ramos, pour les retrouvailles avec le 15 du Chardon samedi à Saint-Étienne, deuxième match de préparation à la Coupe du Monde. Le chanteur américain Sixto Rodriguez est décédé à l'âge de 81 ans, on l'apprend aujourd'hui. Il avait sorti deux albums dans l'indifférence générale aux États-Unis dans les années 70 et était devenu sans le savoir une idole en Afrique du Sud auprès de la jeunesse blanche progressiste exaspérée par l'apartheid. Son destin romanesque avait fait l'objet d'un documentaire Searching for Sugar Man, récompensé aux Oscars en 2013. La météo, Franck, pour cette soirée, eh bien, agréable, chaude encore. Eh oui, chaude absolument, parce que la journée a été chaude, Marion, avec 34 degrés aujourd'hui sur les quartiers de la Ville-Rose, surtout le midi toulousain. Demain, nous aurons 30 degrés, quelques degrés de moins, donc en raison d'un petit passage nuageux, sans gravité, surtout sans précipitation. Demain matin, prévoyez pour la journée de demain 30 degrés aussi à Montauban, à Moissac, 29 à Gaillac, 29 du côté de Auch, et si vous êtes en Ariège, 30 à Pamiers ou encore 29 sur Foix, c'est tout à fait conforme au normal de saison. Sur la route, pas de soucis particuliers, un léger ralentissement au niveau des usines Airbus sur la 624 en direction du Gers, c'est tout à fait normal à cette heure-ci. Et puis au sujet de la circulation des trains régionaux, des trains LIO, le trafic est modifié sur deux liaisons, Toulouse-Auch et Toulouse-Foix-la-Tour-de-Carol. Tout d'abord sur la liaison Toulouse-Auch en direction de Toulouse et de la capitale du Gers, un train est à l'heure sur 3 en raison de la régulation du trafic sur les rails. Et puis en direction de Toulouse et de la tour de Carol, là nous avons deux trains à l'heure sur 6, toujours ce satané passage à niveau en panne. 18h07, merci d'être avec nous sur France Bleu Occitanie. 17h-19h, France Bleu Occitanie, Franck Langlois. Oui, les passages à niveau en panne, ça existe aussi. Restez avec nous parce que par ici, les sorties, ça arrive dans quelques petites minutes. On va notamment évoquer la projection du film Barbie, le succès surprise de cet été côté cinéma. Sauf que là, on va vous inviter à le découvrir dans le cadre du cycle L'Étoile du Château. C'est à Pinsaguel, au château des Confluences. Et c'est avec France Bleu Occitanie. Mais tout de suite, Robbie Williams et sa reprise de Supreme. Dans un circuit solitaire, tous ont des idées d'heureux. Et si les plus belles sont déjà prises, si les plus beaux sont comme elles disent, que deviens-tu? Oh, tu prends la poste, tu vends tes glaces pour un nouvel inventaire. Avant d'y perdre la face, tu veux crier au secours. Nous voilà la lueur du jour, aimé en cours. Tu veux, et cela peut être seul qui t'empêche de jouer ton jeu. Entre l'amour et le plaisir, quel est vraiment ton désir? Tu dois choisir. Oh, oublie tout. privés du bonheur d'aimer encore. Robbie Williams avec Supreme, et vous vous dites, bah, c'est une chanson originale signée Robbie Williams. Mais que nenni ! En fait, Robbie Williams a puisé son inspiration pour ce titre Supreme sur la BO d'un polar français qui remonte à 1970 avec Lino Ventura. Le film, c'était Dernier domicile connu. La musique était signée par François de Roubaix. Robbie Williams s'est pas trop embêté. Il a pris les trois premières mesures du thème principal du film. Il en a fait une boucle, rajouté la rythmique et sa voix dessus. Paf ! Ça nous fait Supreme. Jusqu'à 19h, c'est l'été sur France Bleu Occitanie. C'est le succès ciné de cet été 2023. Mais oui, parce que le film est réussi, il est malin, il est bien joué avec Margot Robbie et avec Ryan Gosling dans les rôles principaux. Forcément, il s'agit de Barbie. Hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir? Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. C'est une journée de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort? Oups, dans le cadre du festival L'Étoile du Château avec France Bleu Occitanie à Pinsagal en Haute-Garonne. Projection en plein air de Barbie, c'est ce soir et c'est à 19h30. Ça s'appelle un VBP, c'est-à-dire un vrai bon plan. C'est au Château des Confluences à 20 minutes de Toulouse. À votre disposition également sur place, une guinguette estivale. Attention, elle est snob et rigide. Lui, il est populo et franchouillard. Internet les a fait se rencontrer. Ça, c'est le pitch de cette pièce de théâtre dans laquelle on rit beaucoup. Une pièce sur laquelle on a bien craqué, thecougar.com. La rencontre donc, grâce au web de Liliane et Raoul. Une rencontre chaotique et explosive qui va se produire dans cette pièce légère comme une bulle de champagne. C'est signé par la compagnie Cameo. C'est du théâtre musical avec des chansons originales. Grand succès 2014-2015 au Festival d'Avignon. Allez-y en famille ou avec des amis, vous allez bien vous marrer. Thecougar.com, c'est à la Comédie de la Roseraie, quartier de la Roseraie à Toulouse, entre demain et samedi soir. Bon spectacle à vous. Vous êtes en manque de rugby? On a ce qu'il vous faut pour vous faire patienter. Un rendez-vous exceptionnel avant la Coupe du Monde. Vous allez en apprendre un peu plus sur 5 internationaux du stade toulousain.

Le 17-19, France Bleu Occitanie. Allez, tout de suite, on file dans le Gers, pas très loin de Lectoure, pour se balader sur la forêt et pourquoi pas piquer une tête dans le lac de Sérillac, d'une superficie globale de 149 hectares, dont 60 hectares sont classés en espace naturel sensible. Cette forêt donc de Sérillac, l'un des rares vestiges d'une forêt royale d'une superficie de 1500 hectares. Alors la forêt est positionnée au sein de plusieurs étangs et de retenues collinaires qui abritent une population de tortues protégées ainsi que de nombreuses espèces de libellules. La forêt se caractérise par une mosaïque de milieux naturels. Il y a des massifs arborés, des sous-bois, des prairies, des ruisseaux ou encore des étangs. Et forcément, tout cela est favorable aux rapaces forestiers qu'on peut observer là-bas, notamment les éperviers d'Europe. Une forêt préservée, une forêt aménagée avec soin, avec notamment des chemins de randonnée et un parcours sportif pas très loin de Lectoure, donc dans le Gers. Coup de cœur sur France Bleu Occitanie pour la forêt et le lac de Sérillac sur la commune de La Motte-Goas. On écoute tout de suite Dua Lipa et Elton John. Sacré tube depuis déjà 2-3 ans. Voici Cold Heart. 18h26, vous êtes en train de rentrer du travail. On est avec vous de tout cœur. Un petit œil sur la route. Tout va bien, pas la moindre difficulté en ce moment. Elton John, Dua Lipa sur France Bleu Occitanie. À suivre vos infos et puis bien sûr un point sur la mobilité, le trafic en temps réel sur France Bleu Occitanie, sur les rails mais aussi sur la route. France Bleu. Le Le festival 31 notes d'été revient pour sa 26e édition du 4 au 27 août 2023 en Haute-Garonne. Profitez de plus de 180 événements gratuits, concerts, spectacles, visites, expositions. Organisés par le conseil départemental en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme, les communes et offices de tourisme associés. Plongez dans la diversité artistique, culturelle, patrimoniale et touristique de notre département. Plus d'infos sur culture.haute-garonne.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Occitanie, ici, on parle d'ici. 18h30 sur France Bleu Occitanie. Ici, on vous donne la météo d'ici. Avec 30 degrés demain, ce sera une très agréable journée sur le midi toulousain. Un grand soleil, très peu de vent. On va en profiter sur la route. À l'heure actuelle, pas de difficultés particulières. Soyez néanmoins prudents, puis appelez-nous s'il y a un souci. 05 34 43 31 31. Marion Chantreau pour ces infos de 18h30. 11 personnes décédées dans l'incendie d'un gîte. C'était ce matin dans le Haut-Rhin. À Witzenheim, près de Colmar, le feu a pris dans un bâtiment en colombage qui abritait 28 personnes au total, des adultes handicapés mentaux légers et leurs accompagnateurs. Les victimes étaient venues de Nancy en vacances. Deux corps sont encore recherchés sous les décombres. La première ministre s'est rendue sur les lieux cet après-midi. C'est le bilan le plus meurtrier en France depuis 7 ans dans un incendie. Les pompiers ont sorti un cheval tombé dans un ruisseau sur la commune de Grenade, au nord de Toulouse cet après-midi. Ils ont mis 3 heures avant de l'extraire avec l'aide de nageurs-plongeurs d'un tractopelle. Le cheval a ensuite été pris en charge par un vétérinaire. Photo de ce sauvetage sur francebleu.fr. Des chercheurs du CNRS de l'université Paul Sabatier à Toulouse ont découvert l'existence d'un climat sur la planète Mars il y a plusieurs milliards d'années, aidés dans leur recherche par le robot de la NASA Curiosity, qui explore la surface de la planète rouge et qui a donc montré la présence de fossiles. La planète possédait il y a des milliards d'années un climat semblable à celui de la Terre, avec des saisons chaudes et humides, un environnement propice à l'apparition d'organismes vivants. Une semaine après s'être incliné en Écosse, le 15 de France va réintégrer ses joueurs majeurs, dont le capitaine et demi de mêlée toulousain Antoine Dupont, son coéquipier Romain Tamac ou encore l'arrière Thomas Ramos. Les retrouvailles avec le 15 du Chardon ont lieu samedi à Saint-Étienne. Deuxième match de préparation avant la Coupe du Monde de rugby. Et puis les Rouges et Noirs affrontent Montpellier en match amical demain soir à Béziers. Duel entre les deux derniers champions de France pour la dernière rencontre de préparation avant le début du top 14. Ce match Toulouse-Montpellier sera à suivre sur notre site francebleu.fr en live demain soir à 20h45. Et la météo, Franck, donc du beau temps pour du ce beau soir, et ce sera pareil demain. Du beau, du chaud. Ouais, du beau, du on chaud. Va pas s'en plaindre. Sauf que demain, du moins chaud qu'aujourd'hui. Ah oui, ça baisse un peu. Voilà, 4 degrés de moins. Ouf. Si vous avez du mal avec la chaleur, on respirera mieux demain qu'aujourd'hui. 30 degrés en effet demain à Pinsagel, du côté de Muret, vers Colomiers ou encore Blagnac, et sur la Ville-Rose, bien sûr aussi. C'est des températures qui sont tout à fait conformes au normal de saison. Grand soleil et le vent qui va savoir se faire oublier demain. On va pas s'en plaindre. Sur la route, toujours pas de soucis. En revanche, sur les rails des trains régionaux, des trains LIO, le trafic est modifié sur la liaison Toulouse-Auch, Toulouse-Foy-la-Tour-de-Carol et Toulouse-Narbonne. Sur la liaison Toulouse-Auch, c'est en raison de la régulation de trafic que seulement 2 trains sont à l'heure sur 3 en cette fin de journée. Sur la liaison Toulouse-Foy-la-Tour-de-Carol, 6 trains sont en retard. On nous signale la panne d'un passage à niveau. Et puis, en raison de la réutilisation de rames sur la liaison Toulouse-Narbonne, 2 trains sont à l'heure sur 3 en direction donc de Narbonne en direction de la mer. SNCF Connect, bien sûr, pour en savoir plus. Bon début de soirée avec France Bleu Occitanie, 18h33. 17h-19h, France Bleu Occitanie, Franck Langlois. Merci d'être avec nous. Vous connaissez Marianne, la Marianne, bien sûr, de la République, symbole de la République française. Ah bah, on va vous dégoter dans quelques instants une Marianne noire. Oui, parfaitement. C'est à suivre dans la France. Toute une histoire avec l'avant de Grimbert, après Mister Patrick Bruel et l'une de ses plus grandes et belles chansons. On est en pleine Bruel mania. Alors regarde, regarde un peu.

On ne sait plus comment l'appeler, Christine and the Queens, Chris tout court, ou bien Redcar également, c'est le surnom, enfin le nom actuel de cet artiste. Donc Redcar, Christine and the Queens, qui a choisi de s'appeler Redcar parce qu'elle était à la fenêtre d'un appartement aux États-Unis en train de préparer son nouvel album. Elle voit passer une voiture rouge, elle est tombée in love carrément avec cette voiture. Elle s'est dit, ça y est, c'est mon nouveau nom, je m'appelle Redcar. Nous, on change de sujet et on parle occitan dans quelques petites secondes avec Guillaume Graciolet, l'un de nos occitanistes maison. L'expression du jour, elle arrive. Vous avez envie de gagner 50 euros en carte cadeau? Alors direction la place du Capitole à Toulouse pour tenter de la remplir de tous les objets possibles. Et si vous êtes capable de deviner combien de ces objets sont nécessaires pour remplir la place du Cap sans dépasser, alors les 50 euros en carte cadeau sont à vous. Cap ou pas cap, c'est tous les jours sur France Bleu Occitanie à partir de 11h. Jusqu'à 19h, c'est l'été sur France Bleu Occitanie. C'est l'été en Occitanie, c'est l'été en version occitane également. C'est parti pour un nouveau numéro de Kézako, Guillaume Graciolet, une expression par jour. Et aujourd'hui, en ce mercredi 9 août, une expression en mode économie d'énergie. Pas moi, hein, juste l'expression du jour. C'est Estalbia Loubouillou. Estalbia Loubouillou, c'est économiser le bouillon. Alors penchons-nous d'un peu plus près sur cette mystérieuse locution. Le bouillon, c'est quoi, Kézako? Une trosse de graisse, un bout de gras, quelques hortalissos, quelques légumes, et mai que mai daigo. Et surtout, de l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas une préparation très élaborée et surtout pas très coûteuse. Estalbia Loubouillou, économiser le bouillon, c'est faire des économies sur de la flotte. Quand on parle de quelqu'un qu'Estalbia Loubouillou, on parle de quelqu'un de particulièrement radin. Une rascasse, une rascousse, une aganite, une sarrate, une sarobouquette, une cagoprime, une cagodure, une piche aux courdettes. Voyez, on ne manque pas de synonymes pour désigner celui ou celle qui a des oursins dans les poches. Sauti de la cabre alperier, je saute de la chèvre au poirier, je passe du coq à l'âne si vous préférez. Pour enrichir votre culture générale, sachez qu'en gascon, les oursins s'appellent castagnes des mares, c'est-à-dire châtaignes de mer. Voilà, il me semblait important de le préciser. Tournons al nostre affas, retournons à nos moutons. La ratère, la lésine, l'avaricio, la pingrerie est un défaut qui inspire la culture populaire. On aime bien se moquer de ceux qui sont trop proches de leur argent. De la munedre, de la munedas, des saus, de la pécugne, de la saune, de la minorgue, des picaius, de la picaille, de la stargios, des lourds escutes, des lourds ardites, de la musille, de las dardenes. Vous voyez, la langue occitane n'estalbio pas loubouillou quand il s'agit de synonymes. Au contraire, on est en présence d'un vocabulaire très généreux. La langue occitane est aussi très généreuse en dictons populaires. Nos ancêtres, majoritairement paysans, étaient des sages, des philosophes. Alors, bien sûr, on accusait les paysans d'être pingres. Je pense notamment à ce fameux sketch de Fernand Reynaud. Pour les plus jeunes, eh bien, les chercher sur YouTube. Mais c'est peu connaître la solidarité et la générosité de ces derniers. Entre eux, au siècle passé, on pouvait entendre « Est-ce une grande baudier des bires pauvres pour mourir riche ?» C'est une grande folie de vivre pauvre pour mourir riche. Allez, rendez-vous demain, à même heure, sur France Bleu, où vous le savez, on estalbio pas loubouillou pour vous faire découvrir toutes les subtilités de notre belle langue occitane. Merci beaucoup, Mercedes Pla, c'était Guillaume Graciolet, vous le retrouvez sur francebleu.fr et sur notre application ici également. Voici Amadou et Mariam tout de suite, du soleil sur France Bleu, de la chaleur, de l'échange et du partage avec Christophe Mahé. Toutes et tous, on chante l'amour. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait chanter les gens l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça rend abat-jour. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jour. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Merci beaucoup Christophe Maé, Amadou et Mariam sur France Bleu, Occitanie. Tout de suite, la musique que vous aimez, toujours la musique que vous aimez avec Tina Turner. Elle nous a quittés le 24 mai dernier. Tina Turner n'était plus américaine puisqu'elle avait été naturalisée suisse. En 2013, Anna May Bullock, de son véritable patronyme. What's Love's Got to Do With It? You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Dina la Tigresse, What's Love's Got to Do With It? Sur France Bleu, Occitanie, Girl Power, place aux filles, les filles qui chantaient plutôt pas mal, et jeunes même d'ailleurs, puisque Juliette Armanet a commencé la musique à l'âge de 14 ans. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents,